quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire des droits de l'homme. À l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aujourd'hui en partenariat, comme toute cette semaine avec le quotidien La Croix, le documentaire. Après avoir depuis lundi interrogé l'évolution des droits de l'homme depuis la fin du XVIIIe siècle, le documentaire de ce matin, signé Séverine Yatard et Marie-Laure Ciboulet, dresse le portrait d'une femme la plus libre possible dans son époque, Eleanor Roosevelt, qui a porté, bien, avec bien d'autres, cette déclaration universelle. La femme du président Franklin Roosevelt qui a, tout au long de l'entre-deux-guerres, tenté et parfois même réussi de garder sa liberté de pensée et sa liberté d'action. C'est cette histoire que vous raconte aujourd'hui le documentaire jusqu'à 10h, l'ascension politique d'une First Lady, un documentaire signé Séverine Yatard et Marie-Laure Ciboulet, avec les analyses de Beata de Robien, André Caspi, Claude Kiegeman, Pauline Peretz, Alexandre Riosborne et Régine Torrent. Eleanor, elle est devenue véritablement un symbole de la démocratie américaine dans ce qu'elle peut avoir de meilleur et dans la défense des droits de l'homme. Son influence est à la fois politique, intellectuelle, électorale. Bref, elle a une influence à différents degrés. Et ça, Franklin Roosevelt en est parfaitement conscient. Il l'utilise. En fait, elle était un cabinet présidentiel toute seule. Elle avait constitué son propre cabinet présidentiel pour défendre ses idées, pour entrer dans les salles de réunion, pour ennuyer toute l'administration, mais ça fait rien. S'il y avait une hostilité à l'égard d'Eleanor, c'est parce qu'elle avait des idées un peu trop de gauche par rapport à un pays qui l'était beaucoup moins. Eleanor Roosevelt, l'ascension politique d'une First Lady. D'une femme gauche, timide, comme elle se présente elle-même dans ses autobiographies, elle devient quelqu'un d'épanoui dans ces sociétés de convenances. Elle a acquis une nouvelle dignité, elle a contribué à une émancipation des femmes. Elle était toujours à l'affût d'associations, de déshérités, de gens qui sortent un petit peu de l'ordinaire aussi. Elle était à l'affût de rebelles comme elle, parce qu'elle était une rebelle. Eleanor Roosevelt était ingérable. First Lady est le titre officiel donné à l'épouse du président. Elle est celle qui reçoit la Maison-Blanche, participe aux cérémonies officielles et incarne la dimension humaine de l'administration. Elle symbolise aussi le modèle de la famille traditionnelle et l'idéal féminin américain. Femme de devoir, Eleanor Roosevelt va accomplir toutes ses missions, en donnant cependant une dimension politique à cette fonction. Première présidente à se préoccuper des réalités sociales, elle va se battre contre la misère, l'injustice, les discriminations et l'émancipation des femmes, devenant ainsi une personnalité incontournable de la vie politique américaine et internationale. Partenaire fidèle de son mari, elle intervient sur tous les fronts, avec une énergie inépuisable, parfois incontrôlable. Elle s'affranchit des convenances et mène en parallèle une vie indépendante, jugée parfois choquante, souvent étonnante. Elle a un père et une mère qui sont des gens plutôt des mondains. Claude Kiegeman. Avec un père un peu aventurier, etc., qui finit très mal à cause de l'alcool et de conséquences d'accidents qu'il a eus. Une mère qui s'occupe peu d'elle, qui la trouve laide, ce qui sera important pour, dans sa vie, je pense, parce que ça l'a marqué. Mais elle a un oncle qui va être président des États-Unis, qui est le président Roosevelt, le premier Theodore Roosevelt. Et donc, effectivement, elle naît dans un milieu où la politique existe, mais dans sa prime jeunesse, disons, Elle est assez peu avertie de ses problèmes. C'est des WASP. Beata de Robien. C'est la côte Est, c'est des gens très très riches, des gens qui ont depuis des années dans les affaires, depuis des générations, qui ont fait de la fortune, surtout dans l'immobilier, à l'époque où on spéculait beaucoup, et que toute pâtée de maison de l'Union Square, par exemple, à New York, ou d'autres endroits comme stratégiques comme ça de la ville, elle appartient. Elle devient orpheline assez vite. Elle est élevée par sa grand-mère. Elle part pour l'Europe dans un pensionnat en Angleterre qui s'appelle Allenswood et qui est dirigé par une femme assez remarquable, qui est Mademoiselle Souvestre, et qui va avoir une influence assez grande dans sa vie. Parce que cette femme, disons qu'elle a des idées gauchisantes, enfin je veux dire... Dreyfusarde. Elle est dreyfusarde. Enfin, elle fréquente un milieu artistique, ouvert, et elle est elle-même une femme libre. C'est une femme célibataire qui trouve important que les pensionnaires pensent aussi par elles-mêmes. Donc, Eleanor, qui est une jeune fille réservée, timide, pas sûre d'elle, va acquérir dans ce milieu beaucoup plus ouvert et au contact de cette femme une sorte d'ouverture d'esprit qu'elle n'avait pas avant. Allons, venez les grandes. Venez, je vais vous rendre au boudoir. C'est une pension très... on avance sur son temps, on discute beaucoup de l'actualité. Elle espère pour ses élèves un avenir peut-être plus important que d'être juste des épouses. Ou alors elle enseigne la littérature. Elle enseigne la littérature, tout se passe en français. D'où, quand elle viendra plus tard à Paris, elle va avoir ses discours en français. Elle va manier la langue française tout à fait à l'aise. Georgie, vous êtes sorti du sujet. C'était les sentiments de Chimène qu'il fallait analyser, pas ceux de Rodrigue, ils sont trop simples. Ce n'est pas à lui qu'il fallait vous intéresser. Pensionnat des Marie Souvestre. Extrait du film « Olivia » de Jacqueline Audry, en 1951. Gertrude, vous avez fait toutes les recherches qu'il fallait. C'est très bien, vous êtes une fille respectueuse. Et vous, Olga, très irrespectueuse. Chimène n'en ressemble pas à cette Anna Karenine dont vous parlez tant. Cécile, vous avez trop étudié la toilette de Chimène, il ne reste plus de place pour son caractère. Nina, vous avez compris ses sentiments, c'est un bon devoir. Ah, Olivia. Il y a quelque chose là-dedans, évidemment. Mais c'est un peu pauvre. Il faudra faire épanouir tout cela. On t'emmènera à Paris un de ces jours. Elle revient après ces 3 années à Allenswood. Je crois qu'elle serait bien restée une année supplémentaire. Oui, elle revient. La grand-mère demande qu'elle revienne et puis il faut qu'elle fasse son entrée dans le monde, c'est-à-dire dans les bals et dans la société new-yorkaise. Comme toute bonne jeune fille de ce milieu, il faut se marier. Et donc, à son grand étonnement, elle plaît à ce lointain cousin. Oui, parce qu'elle ne se trouve pas belle et elle plaît à ce lointain cousin, une autre branche des Roosevelt. Franklin Roosevelt, qui est un jeune homme qui a à peu près le même âge qu'elle, qui est très jeune, a une mère terrible qui ne veut pas de ce mariage. Elle trouve d'ailleurs que son fils a bien le temps de se marier et elle va tout faire pour empêcher le mariage. Mais Franklin Roosevelt a dû percevoir chez Eleanor un tempérament, une nature. Il est frappé par son écoute, son intelligence, justement cet intérêt qu'elle porte aux autres. Et puis, elle est la nièce du président des États-Unis. Et pour un jeune homme qui fait du droit, qui n'est pas très assidu d'ailleurs, mais qui a au fond de lui-même peut-être le souhait de faire de la politique, ça n'est pas inutile d'épouser la nièce du président des États-Unis. Et ils se marient en 1905. Et ils vont avoir 6 enfants. Elle va être une épouse timide, pas très à son aise, parce que la belle-mère est constamment sur son dos. C'est elle qui dirige tout, c'est elle qui choisit l'appartement, c'est elle qui dit comment on doit vivre, etc. Et ça, pour Eleanor, c'est une période très difficile. Elle a même une sorte de dépression. En plus, elle a 6 enfants, une dizaine d'années, et elle dit qu'elle ne fait que être enceinte ou accoucher. Alors, elle est timide, enfermée un peu, elle n'aime pas tellement le monde, alors que Franklin est tout le contraire. Et un drame surgit dans sa vie. Elle apprend que Franklin Roosevelt a une liaison avec sa propre secrétaire, Lucie Mercer. Et ça, ça va remettre en question beaucoup de choses dans son mariage. D'abord, elle va vouloir divorcer. La mère de Franklin est tout à fait contre. Et Franklin se rend compte que ça serait nocif pour une carrière, parce que là, il a pris déjà conscience de son importance. Et ils ne vont pas divorcer. Mais elle va changer complètement d'attitude vis-à-vis de lui, c'est-à-dire ils continuent à vivre ensemble et plus que des époux, ils deviennent des partenaires. Et Eleanor va changer. Eleanor a été jusque-là une femme pleine de préjugés vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis des Juifs. Mais à partir de cette remise en question de son mariage, elle change d'autant qu'elle va adhérer au Rassemblement international des travailleuses, International Congress of Women Workers, et elle va fréquenter des femmes libérées, des femmes engagées dans le combat social, qui sont des intellectuels, des juristes, et qui peut-être la consolent de cette rupture qui s'est produite dans son couple. L'idée, c'est bien qu'elle se forme davantage, grâce d'ailleurs à ces femmes qui vont l'encourager. Elle se forme auprès de ces femmes, et elle s'investit de plus en plus dans ces mouvements sociaux, les lois pour la réduction du travail, de meilleures conditions de vie pour les femmes seules, les enfants, etc. Donc, c'est un combat social que mènent d'abord ces femmes avant d'être réellement un combat politique. Et puis voilà que en 1921, André Caspi, Franklin Roosevelt est frappé de poliomyélite. Et la poliomyélite, à cette époque-là, c'était une maladie que l'on ne savait pas guérir. Inévitablement, le malade frôlait la mort, et une fois qu'il avait évité la mort, le malade restait handicapé. À partir du moment où Roosevelt est frappé par la poliomyélite, son épouse prend un rôle grandissant. C'est-à-dire que d'abord, c'est elle qui, à ses côtés, le sauve, dans un certain sens, au moins sur le plan moral. À partir de 1924-1925, c'est-à-dire 3, 4 ans, 5 ans après qu'il a été frappé par cette maladie, il recommence à avoir une activité politique. Au fond, Franklin Roosevelt, une fois qu'il a été frappé par la poliomyélite, aurait très bien pu ne plus rien faire. Il appartient à une famille aisée de l'État de New York. Il aurait très bien pu continuer à vivre tranquillement chez lui, et c'est ce que sa mère lui conseillait de faire. C'était pas du tout l'opinion d'Eleanor. Et voilà qu'Eleanor, petit à petit, est entrée dans la vie politique. Alors, elle est entrée comme l'inspiratrice, la conseillère, celle qui réconforte. Et elle a pris goût à la politique, elle a rencontré des amis. C'est-à-dire que petit à petit, elle a compris qu'elle pouvait tenir un rôle. Elle va commencer à apprendre à parler, à discourir, à faire des conférences et à voyager dans le pays. Elle devient les yeux et les oreilles de Franklin. Et ses jambes. Oui, les jambes. Elle parcourt l'État de New York. Le pays, et elle lui fait des rapports. Et tous les jours, elle lui donne une note où elle lui rapporte ce qu'elle a vu au cours de ses voyages en Amérique ou de ses rencontres, etc. Mais elle dit qu'elle n'a aucune ambition et qu'elle fait ça pour Franklin Roosevelt. Elle dit « Je suis active tant que vous n'avez pas retrouvé vos activités. Dépêchez-vous de reprendre votre place. » Moi, je pense qu'elle y prend goût petit à petit. 1932, campagne présidentielle victorieuse de Franklin Roosevelt. The president began this campaign with the same attitude with which he has approached so many of the serious problems of the past 3 years. He sought to create the impression that there was no campaign on at all, just as he had sought to create the impression that all was well with the United States and that there was no depression. I am glad of this opportunity to extend my deep appreciation to the electorate of this country, which gave me yesterday such a great vote of confidence. It is a vote that had more than mere party significance. It transcended party lines and became a national expression of liberal thought. It means, I am sure, that the masses of the people of the nation firmly believe that there is great and actual possibility in an orderly recovery through a well-conceived and actively directed plan of action. Such a plan has been presented to you, and you have expressed approval of it. This, my friends, is most reassuring to me. It shows that there is in this country unbounded confidence in the future of sound agriculture and of honorable industry. En devenant la femme du président, une First Lady, en principe, n'a rien à faire, sauf présider des dîners, inviter, prendre du thé, etc. D'ailleurs, elle a un emploi du temps absolument considérable de ce côté-là. Mais elle est désespérée à l'idée d'abandonner cette activité personnelle, politique, disons, et sociale. Et elle va jouer, contrairement à la règle, un rôle très important aux côtés du président, même si le président lui a dit de rester discrète. Mais peu à peu, elle va prendre toute sa place et devenir extrêmement populaire, d'ailleurs, à ses côtés. Alors, il y a eu une rencontre aussi qu'il faut mentionner là, avec une femme qui s'appelle Lorena Hickok, qui est une journaliste qu'on appelle Hick et qui va avoir une grande influence sur elle, qui va la pousser, quand elle sera First Lady, à jouer un rôle. Il y a une très forte amitié entre ces deux femmes. Voire une relation homosexuelle. En tous les cas, peut-être un amour. Sans doute, sûrement un amour. En tous les cas, Lorena Hick, elle croit en Eleanor Roosevelt. Elle a une admiration forcenée pour Eleanor Roosevelt. Et elle va lui dire, mais profitez du fait que vous êtes First Lady pour faire avancer des choses. Cette relation est très ambiguë. C'est une relation aussi effectivement réciproque, dans le sens qu'elles vont se donner chacune beaucoup, mais c'est aussi Lorena Hickok, qui est une journaliste, et pas n'importe où, elle est à Associated Press. C'est quoi Associated Press? C'est comme AFP en France. Donc c'est elle qui va, par exemple, trouver, la première fois qu'on la rencontre, que cette femme vaut la peine d'être connue plus que ce qu'elle est, et qu'elle veut exister en dehors des mariages, mais aussi, elle va écrire sur elle. Moi, je comptais combien il y avait d'articles sur Eleanor Roosevelt en 1932-33, donc l'année où Franklin devient président des États-Unis. Ben, il y a plus sur elle que sur lui. Et ça, elle les doit à Lorena Hickok. Et c'est Lorena Hickok qui va être la première qui va mettre Eleanor sur le piédestal. Elle commence à faire ce qu'elle veut, Régine Torrent, quand elle écrit dans des journaux, quand elle produit ses billets chaque jour, quand elle commence à être journaliste. Alors là, ça lui plaît. En fait, elle a inventé Facebook avant l'heure, parce qu'elle a eu une première publication qui s'intitulait My Day, qui était vendue à 40 000 exemplaires, mais en quelques années, 135 000 journaux étaient abonnés à My Day. Ensuite, il y a eu If You Ask Me. Alors, tous les lecteurs pouvaient lui poser des questions, mais pas seulement les lecteurs. Elle a eu, par exemple, parmi toutes les questions, certaines étaient posées par André Mauroy, par Betty Davis, par Albert Einstein, par Madame Chiang Kai-shek, qui lui demandait des conseils. Avant même que Franklin Roosevelt ne commence, lui, ses conférences de presse, elle institue une conférence de presse hebdomadaire avec que des femmes. Et donc, dans ses conférences de presse, Eleanor ne doit en principe pas parler politique. Donc, au début, on parle de sujets personnels, de la vie quotidienne, des problèmes sociaux, etc. Et puis, peu à peu, ça va se transformer et elle va aborder les sujets politiques et les problèmes qui se posent à l'Amérique. Et elle devient une personnalité incontournable, très, très incontournable de la vie politique américaine. D'ailleurs, beaucoup de gens lui en veulent. Parmi les conseillers de Franklin Roosevelt, il y a des conseillers qui trouvent que sa femme en fait beaucoup trop. Du côté de, si vous voulez, la société conservatrice, enfin, c'est une sorte de scandale que fait la First Lady à se mêler de tout et à parler. Donc, elle a beaucoup d'ennemis. Et il y a des lettres incroyablement violentes adressé même au président, on lui dit de se débarrasser de ce démon de femme. Elle va devenir à la fois, dans les années 30, à la fois une figure politique. Alexandrie Osborne. Et puis la cible politique des mouvements conservateurs radicaux américains. Une cible privilégiée de ces mouvements qui dénoncent, d'une manière générale, le New Deal de manière extrêmement violente avec des relents d'antisémitisme, d'anticommunisme. Et elle devient une des cibles de ces mouvements anti-New Deal. Des hommes, évidemment, mais en particulier des femmes, des mouvements de femmes conservatrices qui vont la prendre comme cible parce que elle est une femme qui a un comportement inapproprié, qui se mêle de politique alors que ce n'est pas son rôle. Il y a une image très arrêtée de ce que devrait être la première dame des États-Unis. Elle devrait se promener au bras de son mari et en rester à des activités, je dirais, sociales. Or, elle se mêle de tout, elle se déplace, elle donne son avis, à la fois sur la cause afro-américaine, à la fois sur la place des femmes, à la fois sur le pacifisme et la non-intervention. Elle est très loquace, elle parle trop, et elle envahit le domaine des hommes. En gros, elle ne se tient pas à sa place, et donc il y a un discours masculin, mais aussi féminin, sur cette femme, sur cette Amazon, disent parfois des articles qui la dénoncent. Il y a un article en 1942 qui est génial, qui dit « Madame Roosevelt s'occupe d'affaires impropres pour une femme de président. Elle peuple les administrations d'amis personnels. Elle essaie d'installer un petticoat government, c'est-à-dire un gouvernement des jupons. » Donc cette présence là dans ces mouvements-là féministes aussi pose problème. N'oublions pas que ce discours des conservateurs, il a aussi énormément de relents, on dira, populistes, c'est-à-dire c'est le peuple contre les élites, et en l'occurrence c'est les hommes et les femmes du peuple contre ces femmes des élites bourgeoises de Washington et de New York qui entendent subvertir le modèle traditionnel qui fait la fierté du peuple américain. Face à la dépression économique, le gouvernement lance sa politique du New Deal. Au chômage qui sévit durement à Chicago, les édiles de la grande cité industrielle ont décidé de refaire le pavage de plusieurs grandes artères et d'y employer les sans-travail. Mais ce n'est pas seulement pour le maigre salaire qui leur est alloué que tous ces malheureux se soumettent à un travail auquel ils ne sont pas accoutumés. L'hiver avance menaçant, et le froid est un ennemi presque aussi redoutable que la faim. Les unes après les autres, les banques américaines rouvrent leurs portes et la crise financière américaine semble devoir prendre fin bientôt, du moins en apparence. L'énergique intervention du président Roosevelt a conjuré la panique et laisse espérer une solution satisfaisante du grave problème financier américain. Elle a également Pauline Perrette veillé notamment à ce que les femmes ne soient pas reléguées au foyer au moment où le chômage explose. Parce qu'il était question à un moment que les femmes soient écartées du marché du travail pour que les hommes puissent retrouver le plein emploi. Et ça, c'est quelque chose auquel elle s'est très nettement opposée. Elle a aussi veillé à ce qu'il y ait toujours, ou le plus souvent possible, une déclinaison féminine de programmes qui étaient initialement pensés pour les hommes. C'est le cas notamment du Civilian Conservation Corps, qui est un programme qui a été créé pour les jeunes chômeurs, un programme en fait de mise au travail à l'extérieur, donc souvent dans des parcs nationaux, je ne sais quoi. Et donc c'était la création de camps qui étaient au départ destinés uniquement aux jeunes hommes. Et Eleanor Roosevelt, elle va être virulente sur cette question-là, elle ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de camp pour les femmes. Donc elle va veiller à un certain nombre de mesures, elle va veiller à ce que les artistes embauchés par les programmes fédéraux soient aussi des artistes femmes, et ça c'est très important parce que ce programme va donner lieu à l'éclosion de toute une génération d'artistes, d'écrivains, de chanteurs. As her final number, Marian Anderson sings for you the beloved Negro spiritual titled Sometimes I feel like a motherless child. She will again be accompanied by Pierre Monteur and the San Francisco Symphony Orchestra. Sur la question, par exemple, André Caspi, des discriminations à l'égard des Afro-Américains, elle est très engagée, Eleanor Roosevelt. Alors, elle est face à un mari qui, lui, refuse de s'engager parce qu'il faut concilier le Parti démocrate. C'est-à-dire, le Parti démocrate de cette époque a comme contrefort le plus solide les États du Sud. Et les États du Sud sont ségrégationnistes. Il ne faut pas heurter les élus du Sud. Donc, ça veut dire que elle pouvait être le défenseur des Noirs, lui, était le politique qui faisait ce qu'il pouvait, mais qui n'allait pas aussi loin qu'elle l'aurait souhaité. Il y a quelque chose qui est très marquant quand même, et qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui, c'est que lorsque Eleanor et Franklin arrivent à Washington, la ville est une ville qui est ségrégée. Les Noirs et les Blancs ne vivent pas dans les mêmes endroits, ne peuvent pas fréquenter les mêmes endroits, et cette ségrégation a donné lieu à un épisode qui est très souvent raconté, hein, et qui est vu un peu comme le signe de l'engagement d'Eleanor Roosevelt, peut-être à tort, parce qu'il y a des actions peut-être plus fortes qu'elle a fait. Mais en 1939, la contralto Marian Anderson, qui est africaine-américaine, qui est à l'époque extrêmement connue dans le monde entier, qui a fait des tournées en Europe, et bien cette femme noire ne peut pas chanter à Washington. Son impresario, qui est un impresario très connu, hein, qui s'appelle Sol Yorok, avait prévu qu'elle chante à Constitution Hall, qui est aux mains des Daughters of the American Revolution, donc les filles de la Révolution américaine, qui est une association extrêmement conservatrice, hein, des descendantes des pères fondateurs, dont Eleanor Roosevelt fait partie, et donc les DAR refusent la tenue de ce concert en 1939. Eleanor Roosevelt ne se mobilise pas spontanément pour cette question-là, mais elle finit par se décider à mettre un terme à son adhésion à l'association, et elle va, alors assez largement quand même, sous l'impulsion de la NAACP, donc la National Association for the Advancement of Colored People, elle va obtenir l'organisation du concert annulé devant le mémorial de Lincoln sur le Mall à Washington. Nation's most impressive Easter demonstration. 75,000 mass before Lincoln Memorial to hear Marian Anderson, colored contralto, make her capital debut at the Great Emancipator Shrine. Refusal of the DAR to let her use their hall fanned a countrywide controversy. C'est vraiment un geste monumental. Le mall est couvert de monde. Et donc, c'est Eleanor Roosevelt qui, grâce à son influence à la Maison Blanche, à son influence aussi auprès de Harold Hicks, le secrétaire aux affaires intérieures, qui soutient ce concert, qui mobilise aussi beaucoup de gens pour qu'il y ait toute cette foule. En plus, elle embrasse la cantatrice. Enfin, même ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et elle avait fait quelque chose d'un peu similaire dès l'année précédente, en 1938, elle avait décidé d'aller dans le Sud pour assister aux échanges de la Southern Conference for Human Welfare. Bon, cette conférence a lieu à Birmingham. Elle décide d'y aller pour accompagner sa grande amie, dont Mary McLeod Bethune. Et contrairement à la législation en vigueur dans cet état du Sud, elle décide de s'asseoir à côté de son amie, donc une First Lady blanche, à côté de cette femme noire et en violation des lois de l'État. Et ça, c'est déjà un acte très fort qui vient s'ajouter à d'autres prises de position, hein, comme son engagement personnel en faveur de l'abolition des lois anti-lynchage dans le Sud. Elle devient embarrassante. Elle va être embarrassante aussi parce que en fait, elle va être souvent photographiée aux côtés de Noir, et ces photos vont circuler, vont être utilisées par la presse du Sud et montrer que, enfin, ou laisser penser que peut-être cette Eleanor Roosevelt, donc la femme du président, est une dangereuse agitatrice, qu'elle aurait peut-être du sang noir elle-même. Là, elle va se retrouver être la cible assez privilégiée des attaques des ségrégationnistes dans le Sud, y compris des élus politiques. Il y a un sénateur démocrate du Mississippi qui va carrément dire il faudra envoyer tous les Noirs, il utilise un autre mot, hein, enfin disons, il faut envoyer tous les Noirs au Liberia, et puis avec, il faut envoyer Madame Roosevelt, elle sera la reine de la nation noire, quoi. Il faut la mettre dehors et la mettre avec ses amis de l'autre côté de l'Atlantique. Elle militait pour que la poll tax soit abolie, parce que les Noirs, en fait, avaient le droit de vote, mais ils ne pouvaient pas voter parce qu'on leur demandait de payer une taxe qui était élevée pour eux. Donc, elle militait déjà pour que la poll tax soit abolie. Son mari était d'accord, mais il n'a jamais rien fait. Il a fallu attendre 1964 pour que la poll tax soit abolie. Alors, elle a milité sur tous les fronts, mais qui dérangeait bien souvent l'administration, qui ne voulait pas intervenir sur ces questions. Alors, dans quelle mesure, Clotilde Hegeman, à cette période-là, Eleanor Roosevelt, par les positions qu'elle prend sur différentes questions, elle passe pour aussi une libérale de gauche, voire presque une communiste, hein. D'ailleurs, elle va se faire surveiller par elle est surveillée par le FBI depuis 1924, quand elle a pris position pour la Cour internationale de justice, et quand elle a pris position, alors que l'Amérique est isolationniste, pour un certain... une ouverture au monde. Et donc, on l'a dit traître, enfin, on dit même, dès les années 20, qu'elle est au service d'intérêts étrangers. Et le FBI la suit constamment. Dans ces années 30, elle se rapproche d'un mouvement qui s'appelle l'American Youth Congress, qui est un rassemblement de groupes, d'associations, et notamment qui inclut des communistes. D'ailleurs, il passe devant le comité des activités anti-américaines et Eleanor soutient ce mouvement, assiste d'ailleurs à la comparution de ces jeunes devant cette autorité et elle prend pas parti, mais elle est là. Et là, elle rencontre des militants communistes ou qui l'ont été, notamment Joseph Lash, et avec qui elle lie une amitié passionnée et passionnelle. Et elle va même inviter une partie de ses leaders, de ses jeunes gens, à la Maison-Blanche, qui ont des conversations avec Roosevelt, des différents, qui lui reprochent de ne pas être assez radical dans son programme du New Deal, de ne pas en faire assez, et d'être trop conservateur, en quelque sorte. Du fait de cette proximité avec Lash, elle va être placée sous surveillance indirecte, en fait. Hein. En fait, elle va se retrouver impliquée dans la surveillance que les militaires, en particulier, mettent sur Joseph Lash pendant la guerre. Comme il a été militant socialiste et pacifiste, quand il est drafté par l'armée, et qu'il se retrouve dans un camp d'entraînement, le Counterintelligence Corps le met sous surveillance. Et puis à partir du printemps 1943, il lui donne même ce que j'appelle moi le traitement de faveur, c'est-à-dire avec écoute téléphonique, interception du courrier, écoute dans ses chambres d'hôtel. Et c'est à l'occasion de la mise sur écoute d'une de ses chambres d'hôtel que les militaires vont tomber sur Madame Roosevelt qui vient lui rendre visite et qui échange avec lui. Et donc on dit que Madame Roosevelt aura eu une relation extra-conjugale. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou faux, peu importe. Après à nouveau... Madame Roosevelt, elle n'est pas, en tout cas dans les archives qu'on a à disposition, elle n'est pas mise sur surveillance directement. En revanche, elle n'arrête pas, entre guillemets, de rencontrer, de croiser le chemin d'individus qui, eux, le sont. Et donc, du fait de la prudence bureaucratique, on ne va pas la désigner comme un ennemi d'État, en gros, hein, mais on va bien être obligé de laisser entendre qu'elle fréquente décidément des gens qui sont potentiellement dangereux. L'Amérique n'envoie pas de troupes aux alliés, dont les effectifs sont d'ailleurs suffisants. Elle fait mieux, elle travaille pour eux. Accélérant de plus en plus sa cadence de production, elle prépare les armes qui permettront à la France et à l'Angleterre de briser la volonté d'hégémonie hitlérienne et d'instaurer ensuite en Europe un ordre juste et humain. Participant déjà à l'effort de guerre, en fournissant du matériel à la Grande-Bretagne et à l'URSS, Franklin Roosevelt annonce à la radio l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Empire du Japon en décembre 1941. From the NBC newsroom in New York, President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii, from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor. À partir de l'entrée en guerre des États-Unis, à partir de la mobilisation générale de 1941 et de la mobilisation industrielle, très importante, les États-Unis tiennent un rôle capital dans le combat contre le nazisme, contre le fascisme en Italie et contre l'autoritarisme japonais. Donc, évidemment, le rôle d'Eleanor est moins fort qu'on l'imagine. Sauf que les femmes, pendant la guerre, tiennent un rôle capital. Alors, c'était déjà vrai pendant la Grande Guerre. Mais là, aux États-Unis, les femmes tiennent une place importante dans toutes les usines qui fabriquent, en somme, le matériel de guerre. Et parce qu'elles tenaient une place importante, il est évident que ça allait dans le sens que souhaitait Eleanor. Donc, même si elle n'était pas au premier plan, mais elle allait quand même d'une usine à l'autre, elle allait quand même soutenir ses femmes au travail, elle continuait à jouer son rôle. Il fallait malgré tout que le moral fût maintenu, le moral de l'intérieur. Lui, un objectif, c'est gagner la guerre. Et elle a dit, bon, il faut gagner la guerre, d'accord, mais il ne faut pas délaisser les populations et les citoyens américains qui sont ou dans la misère. Elle continue son combat social qu'elle a toujours mené. Alors, à la fin de la guerre, elle va avoir des missions, elle va aller en Angleterre, elle va partir pour le Pacifique, où elle va aller voir les soldats. Lorsque Eleanor Roosevelt est partie en 1943 en Asie du Sud-Est, elle est partie sans sa secrétaire. Elle est partie avec sa machine à écrire pour écrire ses billets tous les jours pour My Day et pour McCall, parce que c'était McCall à ce moment-là, et le journal des femmes aussi. Et donc, elle est partie avec sa machine à écrire, avec ses uniformes de la Croix-Rouge qu'elle avait payés elle-même. Alors, quand elle rencontrait les chefs d'état-major, elle se comportait en militaire, parce que si les chaussettes des boys n'étaient pas très propres, si leurs costumes n'étaient pas bien ajustés, elle faisait des remontrances au chef d'état-major. En revanche, avec les militaires, elle se comportait en mère. Elle allait voir les soldats, elle récupérait les lettres, elle les envoyait quand elle était aux États-Unis. Elle était la mère de tous ces soldats qui étaient éparpillés dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est. Elle a visité 17 îles en Asie du Sud-Est. Elle a rencontré 400 000 personnes. Donc là, elle était dans des pays en guerre. Mais en fait, elle a découvert la guerre en 1942, lorsqu'elle est partie en Angleterre. Eleanor Roosevelt a été la première First Lady à traverser l'Atlantique pour se rendre à Buckingham. Et lorsqu'elle est arrivée à Buckingham, elle n'en croyait pas ses yeux parce qu'elle était dans un pays en guerre. Et ça, elle ne connaissait pas, puisque le territoire américain n'était pas touché par la guerre. Alors là, elle a vraiment compris ce qu'était la guerre. Puis elle avait trois de ses enfants, trois de ses garçons étaient aussi sur les théâtres d'opération. Décembre 1941. We know what we have to face. Eleanor Roosevelt s'adresse aux Américains à la radio. I should like to say just a word to the women in the country tonight. I have a boy at sea on a destroyer. For all I know, he may be on his way to the Pacific. Two of my children are in coast cities on the Pacific. Many of you all over this country have boys in the services who will now be called upon to go into action. You have friends and families in what has suddenly become a danger zone. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Claude Kiechmann, elle intervient sur la question des immigrants juifs qui fuient l'Allemagne d'Hitler. Alors ça, c'est elle va échouer aussi, mais elle va lutter, militer. Absolument, parce que Roosevelt a convoqué en 38 une conférence à Évian pour que la communauté internationale reçoive les juifs qui fuient le régime hitlérien, l'Allemagne. Et à Évian, ça a été un refus total de la plupart des pays, de recevoir des réfugiés juifs. Et quand des juifs vont vouloir venir aux États-Unis, le département d'État, qui n'est pas très prosémite, y est hostile. L'opinion est indifférente ou hostile. D'ailleurs, dès avant la guerre, un vaisseau, le Saint-Louis, qui a amené des immigrants juifs, qui est arrivé à New York, a été renvoyé à Hambourg, ce qui indique le climat qui règne. Et Eleanor, bien que elle ait encore des mots malheureux quand elle parle des juifs, enfin, elle est quand même frappée par ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en Europe, et elle fait son possible pour qu'il y ait un accueil des enfants, ce qui ne va pas fonctionner. Et aussi, elle va aider un certain nombre d'intellectuels allemands, européens, juifs ou en difficulté, grâce à Varian Fry. Mais c'est pas facile, effectivement, en même pendant la guerre, d'arriver aux États-Unis. Elle va essayer de limiter l'influence de Breckinridge Long, qui est à ce moment-là Assistant Secretary of State, qui est quelqu'un qui a souvent été accusé d'antisémitisme et qui a vraiment beaucoup fait pour éviter que les États-Unis n'accueillent les Juifs d'Europe pendant la guerre. Mais elle n'ira pas plus loin. Et en revanche, à la libération, elle s'engage sur cette question clairement. Elle va visiter des camps de personnes des réfugiés. Elle prend conscience du sort particulier qui a été réservé aux Juifs. Et là, elle prend clairement position pour la création d'un homeland juif, d'un État pour les Juifs, devançant son mari, devançant aussi la déclaration de bipartition aux Nations Unies. Donc elle devient petit à petit vraiment une amie d'Israël, en laquelle elle voit un autre modèle de la démocratie pionnière américaine. Funérailles du président Roosevelt, avril 1945. Tous les peuples libres sont en deuil. En deuil aussi la prodigieuse armée qui combat à travers le monde pour assurer la liberté. Dans Paris, les drapeaux en berne soulignent la part que prend la France au malheur de la grande République amie. Dans l'église américaine de Paris, un service funèbre est célébré auquel assiste M. Jeanneney, représentant le gouvernement français, et M. Jefferson Caffrey, ambassadeur des États-Unis. À Notre-Dame, à la mémoire du grand chef d'État qui fut avant tout un grand démocrate et pour nous un grand ami, une autre cérémonie se déroule en présence du général de Gaulle. Franklin Roosevelt, quatre fois président des États-Unis, disparaît à la veille d'une victoire qu'il avait voulu et préparée. Voici 3 mois, surmontant sa fatigue, il faisait le long voyage de Yalta. Et de retour à Washington, il proclamait devant le Congrès américain les résultats d'une conférence au cours de laquelle ont été jetées pour l'avenir les bases d'un monde meilleur. À ce moment-là, il y a eu un vide terrible. D'abord parce qu'il est mort brutalement. Et automatiquement, c'est son vice-président qui devient président. Et c'est un nouveau président qui n'est pas du tout, mais pas du tout alors, préparé à sa tâche. Hein. Parce que Truman a été choisi comme vice-président en 1944, parce que Wallace ne convenait plus, et Truman avait la particularité d'être plutôt effacé. Donc on avait choisi quelqu'un qui ne ferait pas d'ombre au président. Et Roosevelt n'avait qu'une confiance limitée dans Truman. La meilleure preuve, c'est qu'il ne lui disait pratiquement rien. Ce n'est qu'un mois après l'entrée à la Maison-Blanche que Truman a appris que les États-Unis étaient sur le point d'acquérir la bombe atomique. Alors, quand les gens de la Maison-Blanche disaient « le président », tout le monde savait que, même après la mort de Roosevelt, le président, c'était Roosevelt. Il a fallu du temps pour que les proches comprennent que Truman était le nouveau président. Eleanor Roosevelt va être appelée par Truman à faire partie de la délégation américaine qui se rend en Europe, à Londres, à la conférence de Londres, qui doit aboutir à la création des Nations Unies. Elle va partir en 45 et sur le bateau, elle travaille sur les dossiers et un des observateurs remarque qu'elle est d'une ténacité et qu'elle est peut-être la personne la plus consciencieuse de la délégation américaine, où elle n'est pas très bien acceptée, notamment par Foster Dulles. Mais elle arrive à Londres et elle va être nommée à la troisième commission des Nations Unies qui s'occupe des droits humanitaires, de l'éducation et de la culture. Alors on pense que c'est pas une commission très importante, secondaire, mais il va s'avérer qu'il y a le problème des personnes déplacées, c'est-à-dire 1 million de gens qui vont quitter la zone qui est tombée aux mains des Soviétiques, et ça va devenir un problème très très important, où elle va s'affronter d'ailleurs au délégué russe Vyshinsky, le procureur Vyshinsky, avec qui elle se bat véritablement, et elle va là aussi jouer un rôle assez considérable. L'Organisation des Nations Unies a signifié clairement son intention. Discours à la Sorbonne, 29 septembre 1948. Et de protéger la dignité de la personne humaine. D'ailleurs, c'est elle qui va présenter à la Sorbonne, invitée par René Cassin, le projet de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va être l'objet d'un travail intense pendant 2 ans, avec 1400 amendements, je ne sais combien de réunions, enfin. Dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. C'est un travail énorme, elle se dévoue entièrement à cette cause. À favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Un des buts des Nations Unies. Là, du côté des conservateurs américains, évidemment, le fait qu'on la mette, elle, dans cette délégation et qu'elle en prenne la tête avec d'autres et qu'elle soit à l'origine de la rédaction de cette déclaration est pour eux un fait qui parle tout seul. C'est-à-dire qu'on prend cette personne dont on sait qu'elle fréquente des subversifs depuis 15 ans, tout le monde le sait, et c'est elle qu'on met à la tête de cette déclaration des droits de l'homme qui va contre les intérêts américains, évidemment. C'est-à-dire quand on proclame l'égalité de tous les citoyens, etc., etc., ben ça va pas du tout, ça. C'est-à-dire qu'on va leur mettre le texte sous le nez en leur disant « bon, alors et vous, alors ?» Et vos toilettes séparées, et vos trains séparés, vos écoles séparées, ça va pas. Donc il y a une opposition des conservateurs ségrégationnistes dans le Sud aussi sur cette base-là. Pour eux, la présence d'Eleanor Roosevelt, elle résonne fort, parce que ça fait 10 ans qu'ils l'entendent parler contre eux et avec leurs adversaires, notamment avec le NAACP, donc avec des gens, des représentants de la militance noire. Et là, renaissent des discours isolationnistes, c'est cette déclaration des droits de l'homme qui va entraîner l'Amérique dans des guerres dont elle ne veut pas, qui va la desservir, qui sera utilisée comme un instrument contre sa politique étrangère. Pour les mouvements les plus radicaux, c'est les traîtres à la patrie qui vont signer cette déclaration des droits. Bon, elle est à la tête de ça, c'est un signe. Bon, Eleanor Roosevelt, au moment de Eisenhower, elle va démissionner quand même. Elle offre sa démission, justement, de l'ONU. Oui, ben, parce qu'elle ne peut plus représenter les États-Unis. Voilà. C'est plus possible, ça. Puisqu'elle est en contradiction flagrante avec ce qui se passe à Washington. Alors, comment représenterait-elle Washington? C'est tout à fait logique, ça. Pour elle, c'est une trahison de tout ce qu'a fait son mari, d'autant plus qu'elle retient de son mari l'héritage social. J'ai pas dit socialiste, hein. L'héritage social. Elle considère que son mari a été le défenseur d'une certaine société. Et cette société-là n'existe plus, du moins d'un point de vue majoritaire, dans les années 50 aux États-Unis. Elle joue un rôle au sein du Parti démocrate, dans l'arrière-scène, derrière le rideau. Enfin, alors, elle a un candidat, qui est Adlai Stevenson, qui est son candidat favori, même contre Kennedy en 58. Et quand Kennedy va se présenter en 60, il va demander à Madame Roosevelt de le recevoir. Mais elle n'est pas du tout enthousiaste pour Kennedy, parce qu'elle trouve que pendant le McCarthyisme, on n'en a pas parlé, mais là aussi, elle s'est pendant la période du macartisme, elle a été intensément hostile à ce mouvement et elle a défendu la cause de ceux qui étaient attaqués. Donc elle lui reproche sa neutralité. Et puis elle le trouve peut-être un peu playboy. Un peu catholique aussi ou... Un peu catholique. Et puis en plus, le père de Kennedy a été un adversaire de Roosevelt et aussi partisan plutôt de l'Allemagne que des démocraties occidentales. Et donc, elle n'est pas vraiment pour, mais il va réussir à la rencontrer et elle va l'appuyer dans sa candidature. Et ça va être son dernier geste, je veux dire, de militante, parce qu'elle va mourir quelque temps plus tard. Mais ça dit aussi, Claude Liegeman, l'importance d'avoir le soutien d'Eleanor Roosevelt pour Kennedy. Absolument. Elle a une notoriété au sein du Parti démocrate et elle est une figure, enfin je veux dire... De l'Amérique. De l'Amérique. J'ai une de mes amies qui était pendant la guerre aux États-Unis. Elle me dit, Madame Roosevelt, c'était un objet de culte, enfin je veux dire, elle était presque... plus populaire que le président. Elle est une icône quelque part. Avec les analyses de Claude Liegeman, André Caspi, Pauline Peretz, Alexandrie Osborde, Régine Torrent et Beata de Robien. Shout hallelujah. So let's sing a song. Come on, let have me. C'est la seule femme de président, enfin la seule first lady, qui a une statue aux États-Unis, à New York, notamment sur les bords de l'Hudson. Et moi, j'ai assisté un jour, un matin où j'étais là, où je la voyais comme ça, dans un grand manteau, de grande cape de bronze. Et... elle regarde au loin et une jeune femme est passée avec ses deux enfants. Elle s'est arrêtée, elle a dit « This is the great lady », la grande dame de l'Amérique. Happy days are here again. Prise de son, Florent Layani et Romain Lukiens. Mixage, Delphine Baudet. So let's sing a song of cheer again. Eleanor Roosevelt, l'ascension politique d'une First Lady. Séverine Liatard, Marie-Laure Ciboulet. Voilà pour ce documentaire que vous pouvez réécouter comme toutes les autres émissions de La Fabrique de l'Histoire sur le site de France Culture. Vous pouvez en discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de La Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC, demain, l'émission d'histoire et d'actualité. Nous ne serons plus en 1948 comme toute la semaine, mais nous serons en 1848 à l'occasion des révolutions mondes qui se déroulèrent dans le monde entier. À cette date, c'est le thème de l'émission de demain. Happy days are...